Et c'est parti pour la capsule 5. Oh, j'aurais pu manger. Ouais. Ok. Non, je sais pas. Je sais pas. Parce que... Bah, je sais pas. Au secours! Ah! Ah! Au secours! Ah! Ah! Ça, c'est moi qui pars en courant. Voilà. Dites-moi s'il y a des trucs à rajouter. Salut!